J'aligne les yeux fermés, étrangère et rebelle. Sans espoir et sans larmes, sans regret ni remords, le diable les emporte. J'étais si bien caché à l'ombre de ma peine. J'avais posé les armes, enfoui tous les je t'aime. Le diable les emporte. J'avais fermé la porte et tiré les volets, pourvu comme croix morte, comme fiche la paix. Que le diable m'emporte. Comment êtes-vous entré? Je n'ai rien entendu. Ce douloureux frisson, cette main dans la mienne. Est-ce toi, est-ce nous? Est-ce le jour enfin?